C'est la chronique de la NFL avec notre ami Marc Diquet de Radio X Saguenay. Salut Marc. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Marc, avant de commencer, je veux souhaiter la meilleure des chances. Ben, ça te touche aussi parce que t'es pas mal le chroniqueur ou des sports au Saguenay-Lac-Saint-Jean le plus écouté. Aux Gaillards de Jonquière ce soir qui vont affronter la formation de Saint-Hyacinthe lors du Bol d'Or. Ça va avoir lieu au Centre Claude-Robillard de Montréal. Et il y a quand même plusieurs joueurs qui sont natifs de Dolbeau-Missisquoi. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Puis il y en a également de Roberval, Saint-Félicien, qui font partie de l'alignement. Donc ça touche pas mal toute la région. Puis tu es impliqué dans le football collégial. Je ne sais pas si tu l'as encore, mais avec les. Tu vois, c'est avec l'ennemi juré, les Cougars. Mais quelque part, Ouais, ben, ouais. c'est surtout l'an passé, puis cette année, malheureusement, on a eu un petit conflit d'horaire pour plusieurs dates, là. OK. Mais c'est le fun d'avoir le football au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais. Nos trois clubs collégiaux sont quand même solides, là, tu sais, là. Plus On a difficile pour les maintenant des Gallois, belles par contre. installations partout, là. Puis C'est ça, plus. ouais, c'est ça le problème. C'est ça le Ouais. problème, là. Mais, tu sais, les assises sont là, puis les coachs sont bons, tu sais. On a quand même, là. C'est vrai que le recrutement n'est pas évident, là, mais Ouais. on a des maudits bons hommes de football en place. Ben, c'est sûr. Surtout du côté. Ben, moi, j'écoute, je parle aux trois. Je fais des entrevues assez quand même assez souvent avec les joueurs et avec François Laberge, Nick Menachi puis Jean-Philippe Caron-Tremblay. Et Ouais. je suis plus proche de François et de Nick, mais c'est des gens solides, là. Très solides, Ah pour vrai. ouais. Non, des passionnés surtout. Ouais. Fait que les gens qui vont vouloir écouter ça, ben ça va être web diffusé en passant. Bien commenté, j'ai vu le match de l'année passée, cette semaine, j'ai vu comment que c'était. Et c'est tu vas sur le site du Bol d'Or, du boldor.ca, et il y a un lien qui va t'amener directement au match qui va être commenté en plus de ça. 20 h ce soir, donc on va souhaiter la meilleure des chances aux Gaillards de Jonquière. Hey Marc, as-tu pris connaissance des demandes de Roger Goodell? Ouais, le jet privé, la hausse salariale encore, puis ce qu'il 50 faut millions. comprendre, ouais, 50 millions par année. Roger Goodell, en passant, entre 2006 et 2015, a gagné 212,5 millions Hey. de la NFL. Donc, moi, j'imagine qu'il se fait un calcul, lui, là-dedans, puis est-ce qu'il vaut ça, tu sais? Moi, Jonquière, toi, Dolbeau-Missisquoi, tu sais, on est qui pour dire, ah, il vaut pas ça, ah, il vaut ça. Je pense que là-dedans, c'est les propriétaires qui sont très bien placés parce que le rôle d'un commissaire, puis c'est pour ça que Bettman est entamé par les commissaires de la NHL, c'est de faire de l'argent à ton club et t'en perdre le moins possible. Puis c'est business. Rendu là, c'est des chiffres qui parlent. Ouais. C'est pas les grandes orientations puis les choses comme ça. Puis c'est business qui parle. Puis tu sais, Goodell, on peut se dire, ouais, mais il fait quoi ce gars-là? Il révolutionne quoi ce gars-là dans le football de la NFL? La seule chose que Goodell a comme problème, c'est les commotions. Il a été obligé de dealer avec les commotions. Et également, bon, ça s'est pas calmé par contre, là, mais est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup sévère dans le comportement des joueurs hors terrain. Moi, honnêtement, j'aime ça, là. Mais à quel Ouais. point c'est ça le problème, là? Mais tu sais, là-dessus, au moins, il met ses culottes, mais le dossier des commotions pour un propriétaire d'équipe de sport, pour un commissaire même. C'est pas évident, gérant, tabarouette, là. Ah, mais par contre, je te dirais que il est contesté, Goodell, hein, parce que il y a eu Ah ouais. l'histoire de Colin Kaepernick cette année qui, écoute, la NFL paraît pas bien, là. On dirait ce qu'on voudra, là, la NFL Non. ne paraît pas bien dans ce dossier-là. T'as le dossier il y a beaucoup d'écarts de conduite avec des joueurs aussi. Et je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas une fuite. Tu sais, il y a une guerre actuellement, une guerre très ouverte entre Jerry Jones, qui est le propriétaire des Cowboys de Dallas, et également Roger Goodell. Je me demande bien jusqu'à Ah. quel point cette histoire-là, il n'y a pas eu une fuite de la part peut-être même du clan Jones. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne Ouais. question. Mais il n'y a pas juste Jerry Jones au courant de ça d'un autre côté, Ouais. ça. Mais c'est une bonne question. Je sais pas quoi te répondre là-dessus, vraiment, la fuite, elle vient de où, Ouais. là. Des fois, ça peut même venir du clan en question pour tester les eaux, comme on dit, là. Ouais. Mais tu sais. Avec le nombre d'équipes que tu as, le nombre de gens impliqués là-dedans, garder des secrets en 2017, bonne chance. Ouais. Fait que donc, on va suivre le dossier de près. Autre dossier que moi qui m'interpelle, j'espérais cette année que les Bills de Buffalo fassent les séries. Ça fait, écoute, depuis 1999, là, ça fait 19 ans que les Bills n'ont pas fait les séries. Non, plus 17 ans, pardon. Et là, Tyrone Taylor avait bien commencé. C'était pas. On était. C'est pas Tom Brady, là, mais quand même. Et Non. là, finalement, depuis quelques matchs, on retrouve les vrais Bills. Et Sean McDermott qui a pris une décision en confiant le poste de quart à Nathan Peterman, une verte recrue. Écoute, les Bills depuis Jim Kelly, là, je ne peux pas dire qu'ils ont été gâtés. Tu as eu Doug Flutie, après, puis tu as eu Rob Johnson. Tu en as eu plein, là. Depuis Jim Kelly à Buffalo, il n'y a jamais eu de vraiment de bon carrière. Ben, on rit bien de Cleveland avec les carrières, Ouais. là. Mais avec les Bills, là, quand je me suis mis à suivre le football activement, c'était de nommer JP Lashman qui était Ouais. carrière des Bills, là. Premier choix Tu au sais, pêcheur. puis à chaque fois, ben oui, puis à chaque fois, on repêche des gars qui sont supposés être meilleurs au monde, là. Souvenez-vous des Jim Manuel. Puis, ça décolle pas. Ça ne décolle pas. La colle ne prend pas avec les Bills. Puis, c'est plate pour le monde du Québec parce que les Bills, là, ça vous tente de faire un voyage de football, premièrement. C'est pas loin. Ben, c'est pas loin. C'est pas à côté, mais c'est pas loin. C'est pas. Tu sais, si tu vas à Buffalo voir un match, tu ne perdras pas dans le centre-ville, il n'y en a pas, là. C'est dans un champ, tu sais. Puis, c'est accessible, c'est pas trop cher. Puis, le tailgate est le fun. Ben Tu sais, on c'est aurait un du des fun à meilleurs avoir un tailgate. club gagnant. Ben, puis, on aurait du fun à avoir un club gagnant, un club qui Ouais. performe, tu sais. Mais non, mais non. Puis, Pederman, j'ai hâte de voir ce que ce gars-là va donner comme football, là. C'est pas. C'est pas Tu sais, Tom le Brady, rang de là. sélection. Ben, non, mais tu sais, le rang de sélection repêchage, il faut faire attention. Là. Tu viens de parler de Tom Brady. Tu n'as C'est pas été un choix non. de première ronde ni de deuxième ronde, tu sais. Non, c'est Fait que sûr. c'est. Mais ce que les Bills font, c'est un do or die, là. Tu sais, rendu là, tu vas y aller avec. Puis, si tu meurs, ben, tu meurs. Mais je pense qu'on a définitivement acheté la serviette sur Tyrod Taylor. Quand tu sais, comment je te dirais ça, c'est tellement un aveu de non-confiance que tu fais à son endroit avec ce match-là, avec le match qui s'en vient, tu sais. Fait que. Ouais. Mais je pense que oui, là, on peut dire que c'est game over pour les Bills Encore d'aujourd'hui. une fois, malheureusement, encore une fois cette année, je pense qu'on devrait Ah. passer à autre chose. Marc, tes matchs de la semaine. Écoute, c'est pas très dur. Le meilleur match, quel match en principe à 13 h, les Rams de Los Angeles, quelle surprise vont affronter les Vikings du Minnesota et Casey Kasem. Quand on dit là, que les Bills ont un problème de carrière, on en a trois du côté des Vikings. Et on y va avec Casey Kanon qui est en feu. Je pense que je m'en rappelle plus, la statistique n'a pas été. La ligne à l'attaque est vraiment très très solide autour des Vikings. Et ça explique peut-être que Kanon connaît du succès. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'il nomme, là? Mais ce Ouais. gars-là, avec les Bills, là, il fait Ouais. pas mieux, là. Non, Je non, suis désolé, il fait pas mieux. Tu sais, moi, je pense que, puis ça va se décider serré, là, mais moi, non. mon Ouais. coach de l'année dans la NFL, c'est Zimmer, au Minnesota. Ouais. Ben, ce gars-là fait des miracles avec un alignement correct, là, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, quand t'es rendu à ton troisième carrière, Ouais. puis demain matin, là, t'es en position pour les éliminatoires. Et je m'excuse, là. Mais c'est mauditement méritoire. Puis les Rams, écoute, Quelle surprise. on se dit toujours, ah, ça dégonfle cette semaine. Cette semaine, ça va dégonfler cette semaine. Non, non. Jared Goff, qui joue du football peut-être conservateur, oui, mais ce gars-là a du succès. A du succès. Puis c'est le fun d'avoir une équipe de LA enfin se démarquer un peu dans la NFL. Depuis leur retour, c'est pas évident non plus. Non. Mais non, effectivement, tu as raison là-dessus, Danny. Ça va être un excellent match. Les Vikings, moi, encore une fois, moi, les Vikings, je me dis toujours, ah, ça va péter, ça va péter. Mais non, tabarouette, Ouais. ça sont encore là. C'est le fait que les Packers également ont perdu Aaron Rodgers, ça va les aider. Il faut maintenant les favoriser dans la conférence nationale dans cette section-là. L'autre match est un match extrêmement important pour les Cowboys de Dallas. Ils affrontent les Eagles de Philadelphie, qui les Eagles, eux, ils reviennent d'une journée de congé. Ça va être un bon match aussi parce que les Cowboys doivent gagner. Là. Si on veut demeurer dans la lutte, c'est un match extrêmement important pour les Cowboys. Puis on a vu que c'est pas la Mais même on sait équipe qu'Ezekiel sans Elliott. Ezekiel Ben, c'est ça. Puis on sait qu'Ezekiel Elliott, c'est terminé jusqu'à Noël, là, jusqu'au Elliott. 24. Là. Donc, ce sera bien important pour eux. Ils sont à la maison. Doivent stopper ce match-là. Puis, tu sais, on parlait des Rams, la belle surprise. Ben, les Eagles, il faut les mettre dans ce rang-là aussi. Ah Là, puis, ouais. ont l'air. En fait, t'en as Ils ont l'air trois, là. presque Minnesota, t'en as quatre. invincibles. T'en as quatre. Écoute, soyons honnêtes, en début de saison, on en a parlé, Marc, c'est pas la première fois qu'on en parle, là. Minnesota, les Rams, les Saint-Denis-Orléans, puis aussi Eagles. les Eagles de Philadelphie, on n'aurait pas pensé qu'à l'heure actuelle, il y aurait leur fiche, là. Jamais qu'on aurait pensé ça. Non, non, puis tu vois des belles performances des carrières dans ces équipes-là. Ouais. C'est l'émergence de Carson Wentz qui s'est dépassé Ouais. encore. T'sais, Jared Goff, que, ça, écoute, ça disait déjà que c'était un flop, là. Puis il connaît une grosse saison. C'est l'émergence des carrières dans ces équipes-là. Puis sauf les Saints, c'est vraiment au niveau de la défensive qu'on s'est ajusté. Parce que carrière, je pense que Drew Brees, ils ont pas dit que ce gars-là est émergent. Ça fait 125 ans qu'il est dans la ligue, là. C'est pas une Effectivement. question d'émergence, là. Mais effectivement, c'était tes matchs que tu as mis sur ton calendrier pour la semaine, c'est effectivement ça, là. Parce que, tu sais, il y a le match Ravens-Packers qui est peut-être pas le plus intéressant, mais si les Packers veulent demeurer en vie, puis que si Hundley veut montrer des choses, je pense que t'as pas le choix de battre les Ravens chez vous en plus, là. Je pense que c'est un match que les Packers se doivent de remporter. Puis les Texans, s'ils veulent encore une fois demeurer dans la course, ben contre les Cards qui vont mettre Blaine Gabbert comme carrière à Houston en plus, je pense que c'est un match que tu dois remporter aussi, là. Oui, effectivement. Donc, c'est deux matchs. Et également, moi, un match que je vais surveiller, 16h25. 16h25, ça va être également les Pats de la Nouvelle-Angleterre contre les Raiders d'Oakland. Le match a lieu au Mexique en passant à Mexico. Oui, c'est vrai. Fait C'est vrai. C'est que vrai. ça aussi, c'est un match intéressant. Les Raiders qui doivent également l'emporter aussi. Si on veut espérer encore une fois demeurer dans la course, mais ce sera pas facile contre les Pats. Les Pats, j'ai regardé leur fiche, Marc, défensivement. On disait tout le temps qu'en début de saison, c'était affreux la défensive, mais forcé d'admettre que ça s'est très très bien ressaisi. Matt Patricia fait un meilleur travail et ça s'est replacé quelque peu les Pats. Ben, moi, c'est pas le mien personnellement, là, Ouais. mais effectivement, ça s'est quand même replacé, là, t'as bien raison là-dessus, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je pense que quand on regarde le calendrier qui s'en vient pour les Oakland, je dis ouais, ça va être pas facile qui s'en vient pour eux, là. Ça va être tough, mais non, j'y crois pas à Oakland, malheureusement. Le début de saison a trop été catastrophique pour eux, là. Ouais. Marc, gros merci. On s'en parle la semaine prochaine. On prend une pause parce que je fais un petit voyage éclair à Québec. Peut-être jeudi en après-midi si c'est possible. Je vais te régler ça en dehors des ondes là, parce que Oui. samedi matin, moi je devrais mettre le cap sur Québec. Fait qu'on s'en parle vendredi prochain, Pas de problème, jeudi mon prochain. frère. Notre collaborateur Marc Diquet de Radio X Saguenay.